Est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? Bonsoir, mesdames. Ça va être au tour des dames cette fois-ci. Je vais essayer de vous restituer de mémoire une conversation que j'ai eue avec un anthropologue récemment. Alors, comme c'est de mémoire, ça risque d'être un peu croche parce que je n'en ai pas beaucoup. Toujours est-il que l'anthropologue en question, auquel je lui demandais s'il connaissait l'origine de l'hyper-agressivité qui existe dans le monde aujourd'hui, la paranoïa collective, les guerres, etc., s'il avait une origine rattachée à sa science, à l'anthropologie, à l'étude de l'homme, de l'histoire, de la préhistoire, de la primhistoire. Et il me faisait remonter aux sources même de la primhistoire, l'origine de cette hyper-agressivité. En fait, d'après lui, il y a 10 000 ans, au moment où l'Homo sapiens était sur Terre déjà depuis 25 000 ans, il y a eu une mutation qui s'est opérée. Et à cette époque-là, jusqu'il y a 10 000 ans, l'Homo sapiens était un chasseur. Il vivait donc de la chasse et les femmes de la cueillette, etc., des fruits. Et d'après lui, le drame qui s'est passé, c'est que les femmes, c'est-à-dire la femelle Homo sapiens, Madame Homo sapiens, a inventé l'agriculture et l'élevage. Donc, Monsieur Homo sapiens a laissé tomber sur les conseils de sa femme la chasse. Et de grand chasseur libre et puissant qu'il était, avec un terrain de chasse qui était la planète tout entière, il est tombé à l'état d'agriculteur et d'éleveur sur les conseils perspicaces de Madame Homo sapiens. Ceci a entraîné le concept de la propriété commune ou privée. Autrement dit, de l'élevage, des troupeaux, de l'agriculture, ont commencé pour la première fois à avoir quelque chose à protéger, un bien, une propriété. Et dès qu'il y a un bien, une propriété, ça engendre la cupidité chez les hommes. Donc, en voulant protéger ce bien, qui était aussi une tentation pour les autres Homo sapiens qui s'étaient encore pas convertis à l'agriculture et qui étaient encore restés chasseurs, ceci a engendré des guerres. Et de cette façon-là, la programmation génétique de l'homme, qui était une programmation génétique qui remonte à des centaines de millions d'années, programmation de chasseurs à l'origine, a été comme déviée ou canalisée dans les guerres, c'est-à-dire que l'agressivité du chasseur ou cet état de chasseur est passé dans la guerre. Et aujourd'hui, on est le résultat encore de cette déviation génétique de l'état de chasseur à l'état d'agriculteur ou, comme je disais tout à l'heure, de travailleur forcé, de bête de somme. Donc, on vit dans cette civilisation hyper agressive et on s'entretue depuis des milliers d'années. Pour moi, il me semble en tout cas que les guerres, ça relève plus de... C'est plus un produit de la civilisation. Donc, c'est plus rattaché au vol, au pillage, plutôt que au meurtre gratuit. Et que c'est relié au sentiment de propriété qu'il faut défendre. Un exemple pour ceci, c'est le bandit qui défonce la porte chez vous, qui va pénétrer, qui va s'emparer des objets précieux, etc., puis qui va tuer les habitants de la maison. Les guerres, c'est la même chose. Il y a un ennemi qui va défoncer une frontière, envahir un pays, puis se saisir, voler, piller, etc., des biens de ce pays-là. Et dans les deux cas, il y a toujours un sentiment de culpabilité qui est engendré à la fois chez le bandit et chez l'envahisseur guerrier. Et les deux, pour pallier contrebalancer ce sentiment de culpabilité, vont tous les deux se créer, se rationaliser des idéologies. C'est-à-dire que le bandit va se trouver une excellente raison de perpétrer son meurtre. Il y en a besoin pour vivre, ou les riches sont trop bien nantis, il faut partager, etc. Il va rationaliser. Et de la même façon, les peuples guerriers qui envahissent vont trouver une façon de rationaliser qui est ou bien idéologique, ou bien politique, géographique, religieuse, on le voit aujourd'hui, une façon de rationaliser, donc de se défaire de ce sentiment de culpabilité. J'ai réfléchi à ce que me disait cet anthropologue-là, et c'est comme un cercle vicieux. Cette programmation-là existe aujourd'hui, on a cet instinct-là encore toujours en nous. Et je ne vois pas, à mon avis, d'autre façon de pallier à ce problème que la législation de loi à l'échelon universel, donc la création d'un gouvernement mondial. Le problème, il faudrait que les nations qui acceptent d'être chapeautées par ce gouvernement mondial puissent sortir aussi de leur état d'esprit qui est le nationalisme. Donc, il y a d'abord la nécessité pour moi de mettre en place une vraie structure supranationale, un carrefour transnational, un processus de planétarisation, donc à l'échelon de la planète, un gouvernement mondial. Alors j'aimerais savoir, d'après Bernard de Montréal, si c'est une possibilité qu'il entrevoit, et puis comment est-ce que ça se passerait. Est-ce que c'est simplement au niveau législatif? Est-ce que l'ONU, par exemple, est un embryon de ce gouvernement mondial et les casques bleus une espèce de police universelle? Ou alors, est-ce qu'il faut passer par une transformation attitudinale profonde, c'est-à-dire une identification de l'espèce humaine tout entière plutôt qu'à un sous-groupe? Est-ce que ça va passer par une révolution du cerveau pour assurer la pérennité humaine, la succession de la race humaine, telle que le prétend, par exemple, l'auteur de La Révolution du cerveau, Les Enfants du Verseau, qui est Marilyn Ferguson, qui, elle, prétend que ça passera par une révolution du cerveau. Le concept de la révolution du cerveau n'est pas mauvais, parce que si nous parlons de l'évolution de l'homme, si nous parlons de la fusion de l'homme, si nous parlons de l'intégration de l'énergie créative dans l'homme, il est évident qu'éventuellement l'homme, en tant qu'être nouveau, possédera une conscience nouvelle, donc une activité cérébrale totalement nouvelle, donc une révolution du cerveau. Mais il faut aller plus loin que la contemplation purement cartésienne ou philosophique ou clinique de cet aspect de l'homme, parce que si nous parlons de l'évolution du cerveau simplement à partir de la conception que nous avons de sa nature, nous sommes forcés à constater que le cerveau en lui-même, le cerveau matériel, est une industrie physico-chimique qui pourrait être sujet à une mutation. Mais ce n'est pas assez. Ça va beaucoup plus loin que ça. D'abord, le cerveau de l'homme, tel qu'il est aujourd'hui, il est parfaitement développé. Ce qui manque dans l'évolution de la conscience humaine, c'est l'allumage des cellules. L'allumage des cellules ne peut pas se faire à partir de l'homme lui-même. Autrement dit, une transmutation de cet ordre ne peut se faire qu'à l'intérieur d'un calendrier cosmique, c'est-à-dire à l'intérieur d'une période où des forces psychiques d'un ordre nouveau pour nous les hommes descendent vers le plan matériel pour créer dans ce cerveau, dans les cellules, dans les neurones, une nouvelle vibration qui engendre un nouveau motif de pensée, une nouvelle façon de penser, donc une nouvelle conscience. Pour que l'homme dépasse le constat mondial, planétaire ou universel de son esprit ou de son instinct d'agression, il faut qu'il lui soit donné une nouvelle conscience.